S, envoie des rimes hein, qui vous blesse. Envoie des rimes hein, qui vous blesse. Tout droit sans changer de contexte. C'est B-E-R-T-J-U-S pour représenter le 13. Le 13 en force dans notre texte. Une agression sans prétexte. Narco et Big Jam pour vertige, on se déchaîne. Au micro je crache mes mots sans en faire trop. Les vertiges c'est le début. On est loin de la fin, on a faim de la vie, de posséder ce qu'on a envie. Для моих, кто понимает, кто спросит, что эти слова означают. Я в français un peu, VRTGOS. Ну гад, on va voir les bébés bras. Quand vous attendez ce son, c'est pas la première fois. C'est VRTGOS, eh ouais, sans stress. Que ça résonne et blesse tous les gens qui nous agressent. Tous les gens qui nous blessent. C'est Narco et Big Jam pour les vertiges et pour les gars du 13.